les boulevards périphériques, les grands carrefours, le Parlement, la télévision, tous les points névralgiques de la capitale sont sous contrôle. bosser. Maman se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps.